Tunalamkia kila mmoja wenu hii magharibi mjina ya Yesu Kristo. Levons-nous pour la prière. Tutashimama juu ya maombi. Ouvrons nos Bibles dans Ésaïe. Tutafungula mabiblia yetu Isaya 45. Dans son verset 12 à 13. Mumustari ya 12 na 13. Nous prendrons aussi le livre d'Ezra. Tutabeba tena na kitabu cha Ezra. Dans son chapitre 1. Sura yake ya kwanza. Tutaomba. L'alpha et l'oméga. Alpha na omega. Tu es le premier et le dernier. Wenjo wa kwanza na wa mwisho. Tu es le commencement et la fin. Uko mwanzo na mwisho. Le ciel et la terre est l'œuvre de tes mains. Mbingu na dunia ni kazi ya mikono yako. Tu as créé la terre et tout ce qui s'y trouve. Uriumba dunia na vyote vyenye kupatikana mudunia. Dans ta grande puissance, tu as donné le souffle de vie à tout être vivant. Muwezo yako mkubwa ulipatia pumzi ya uzima kwa kiumbe kyote chenye kuya hai. Et il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Na hakuna Mungu wa kukufanana. Si elle est incomparable. Atwezi kukulinganisha. Le seul véritable Dieu vivant. Uko Mungu pekee wa kweli aliye hai. Celui qui a le pouvoir de sauver. Mwenye kuya na uwezo ya kuokoa. Qui a le pouvoir de délivrer. Mwenye kuya na uwezo ya kukomboa. Qui a le pouvoir de changer. Mwenye kuya na uwezo ya kubadilisha. Nous venons en ta présence. Tunakuja mbele yako. Parce que nous croyons. Njoo tunaamini. Que ta parole est créatrice. Ya kwamba neno yako inaumbaka. Crée en nous une nouvelle vie. Umba ndani yetu maisha mapya. De nouveaux sentiments. Mania mupya. Une nouvelle nature. Asiri mupya. Pour nous permettre de bien marcher dans tes voies. Njua kuturusu tutembe mzuri mmanjia yako. Nous sommes de l'argile entre les mains du potier. Chitu kutu ni burima mumikono ya mufinyanzi. Fais de nous ce que toi tu voudras. Utupachie umbo ilo utapenda. Pour la gloire de ton nom. Njui ya utukufa jina lako. Bénis chaque frère et chaque sœur. Bariki kila nduku na kila dada. Qui est venu ce soir pour écouter ta parole. Ule arkuya imangaribi njua kusikiliza neno lako. Bénis la parole qui sera lue. Bariki neno itasomwa. Accorde-nous un entendement meilleur. Uitupatie usikilivu mzuri. Et donne-moi un langage facile. Na unipatie kusema kwa wepesi. Pour éclairer ton peuple par le Saint-Esprit. Njua kuangazia taifa yako kupitia Roho Mtakatifu. Du début à la fin soit honoré. Mwanzo hata mwisho upate kuheshimishwa. Au nom de Jésus-Christ. Mujina ya Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Ésaïe 45. Isaya 45. Verset 12 à 13. Mumustari yake ya 12 na 13. C'est moi qui ai fait la terre. Minjo miriumba dunia. Et qui sur elle a créé l'homme. Na juu yake mtu ameumbwa. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Ni mie na ni mikono yangu njo irinyolosha mambingu. Et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Na minjo mirieka majesi yao yote. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice. Minjo miri la musha kiro muwaki yangu. Et j'aplanirai toutes ses voies. Na minta tengeneza manjia yake yote. Il rétablira la ville. Atarudisha muji. Et libérera mes captifs. Na ye atakomboa bafungwa bangu. Sans rançon ni présent. Bila maripo au zawadi. Dit l'Éternel des armées. Ivi wa milele wa majeshi anasema. Ezra chapitre 1. Ezra sura yake ya kwanza. Verset 1. Mumustari yake ya kwanza. La première année de Cyrus, roi de Perse. Mumwaka wa kwanza wa Kiro, mfalme wa Perse. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Kusudi neno ya wa milele ipate kutimizwa ilitangazwa na Jeremia. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Wa milele akalamusha roho ya Kiro. Roi de Perse. Mfalme wa Perse. Qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ule aritangazisha na sauti ya nguvu kupitia maandiko hii mpango mfalme wake. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Ivi Kiro mfalme wa Perse anasema. L'Éternel Dieu des cieux m'a donné tout le royaume de la terre. Wa milele Mungu wa mbingu ananipatia ufalme wote wa dunia. Et m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem. Ananiamuru nipate kumujengea nyumba ku Yerusalema. Qui d'entre vous est de son peuple? Ni nani katikati yenu ni wa taifa yake? Que son Dieu soit avec lui. Mungu wake awe naye. Et qu'il monte à Jérusalem. Na Juda, apande ku Yerusalema ku Juda. Et bâtisse la maison de l'Éternel. Na ajenge nyumba ya wamilele. Le Dieu d'Israël. Mungu wa Israeli. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Ni Mungu mwenye kuya ku Yerusalema. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana ongeze mabaraka kusomi wa neno lake. Nous avons montré, turionesha, comment la fin de la captivité des 70 années prophétisées par Jérémie s'est accompli. Namna kani mwisho ya bufungwa ya miaka ile Yeremia alitabiri ilisha. Et nous sommes en train de montrer comment Dieu a utilisé ce roi Cyrus. Na tuku naonesha namna kani Mungu alitumia huyu mfalme Kiro. Je vous ai dit que aujourd'hui je parlerai un peu avec un peu de détails. Miri mionesha kusema leo mitasema na maupana sana. Parce que moi-même aussi je me suis intéressé de connaître qui est ce Cyrus. Kwani na mimi miri penda kujua huyu Kiro ni nani? Cet homme qui avait attiré l'attention de Dieu. Huyu muntu arivuta angalisho ya Mungu. Et il a annoncé sa venue avant 100 années que cet homme ne naisse. Ana aritangaza kuja kwake mbele ya miaka 100 mbele ya huyu muntu kuzalikwa. Par la bouche de son serviteur Esaïe. Kupitia kinywa ya mtumishi wake Isaya. Afin de libérer le peuple d'Israël. Kusudi apate kukombola batoto ya Israeli. Qui serait en captivité. Bale batakuja mubutumwa. Et par lui il châtierait en même temps le royaume de Babylone. Na kupitia yeye alipasha kuapiza ufalme wa Babiloni. Lorsque vous voulez lire l'histoire de Cyrus. Wakati mnapenda kusoma hadithi ya Kiro. Cyrus n'était pas un homme ou un roi particulier. Kiro ashukuye muntu au mfalme wa upeke. Il fut le fils d'un roi télé de Perse. Ye arkuya ni mwana wa roi télé moya wa Perse. Un petit roi. Ni mfalme kiloko. Qui s'était établi dans les plateaux Durant. Ule arikalaka mu plateau ya Durand. Et le nom de son père. Na jina ya baba yake. C'est Cambyse. Ni Cambyse. Cambyse. Cambyse. Et le père de Cyrus. Ni baba yake ya Kiro. qui était un petit roi des Perses. Ule alikuwa mfalme kidogo wa Waperse. Il n'avait pas toute l'autorité. Ashuko yake na mamlaka yote. Il ne dominait pas une grande province. Ashikwanze kutawala jimbo munene. Il dominait un petit territoire dans les plateaux d'Iran. Arianza kutawala kutuni ka bulongo ka loko kipande ya bulongo ya kiloko kule kujiran. Sa mère s'appelait Madan. Mama yake njina yake alikuwa Madan. Mais Madan était la fille d'un puissant roi. Lakini Madan alikuwa ni binti wa mfalme mwa wa uwezo wa nguvu. De Med. Ya wa ba Med. Qu'on appelait Astasia. Ule baranza kuita Astasia. Astasia. Et ce roi puissant na uyu mfalme wa nguvu tenait les Perses sous sa domination. Arianza kutawala ba Perse. Pour votre rappel. Njia kumikumbusha. Dans la vision de Daniel. Muono ya Daniel. Lorsqu'il a vu un ours. Wakati ariona ours. Cet ours avait des cornes. Ule ours arkuya na mampembe mbili. Et la deuxième corde qui s'était levée était plus grande que l'autre, que la première. Na ile pembe ya pili ilamuka ilikuwa mkubwa kushindia ile ya kwanza. Nous avons dit tulimionyesha que ces deux cornes là ya usema ile mapembe mbili représentaient les Mèdes et les Perses. Ilianza kuonesha ba Mèdes na ba Perses. Au début, les Mèdes et les Perses n'étaient pas un seul royaume. Kumwanzo ba Mèdes na ba Perses bakuye ufalme moya. Ce sont les Mèdes, les Mèdes. Ni ba Mèdes qui avaient la domination. Jo baranza kutawala. Et après, les Perses se sont levés. Na kisha ba Perses barikuya. Et c'est avec Cyrus. Na ninakiro. Dans ses conquêtes, kwenda kwake kuina mamvita, qu'il a vaincu les Perses, qu'il a vaincu les Mèdes, arishinda ba Mèdes, et il a fait de ces deux, il a uni les deux royaumes. Na ariunga ima ufalme mbili. Il n'était pas spécial. Ashukwe wa upeke. Cyrus a hérité Kiro aririchi son petit royaume ufalme wake kidogo vers 559 avant Jésus-Christ. Mu 559 mbele ya Yesu Kristo kuzarikwa. Pendant que Cyrus mwakati Kiro régnait dans son petit royaume, arianza, la vérité, arianza kutawala mwile ufalme yake ya kidogo aririti. Il eut dans le royaume de Babylone, kukakuya mufalme wa Babyloni, un roi qui s'appelait Nabond. Mufalme moya njina yake alikuwa Nabond. Ce monsieur, ce roi voyait dans Cyrus un homme habile et fort. Uyu muntu aranza kona ndani ya Kiro muntu wa nguvu na wa nguvu. Et ce roi na uyu mfalme Nabond voulait être soutenu aripenda bamsaidie par Cyrus kwa Kiro contre les guerres qu'il avait juu ya mavita ile alikuwa nayo avec les Mèdes na ba Mèdes. Il occupait une position intéressante. Alikuya na fashi moya ya mzuri. Ni le roi de Babylone. Ao mfalme wa Babiloni ne pouvait pas s'imaginer. Ashikuwezi kuwazia. Que Cyrus qui occupait un petit territoire dans les plateaux d'Iran pouvait se révolter contre lui. Ya kusema ole Kiru alianza kutawala tu ka kipande ya bulongo kakaloko kujira kule alipasha kumtombokea. Il voulait le coopter. Aripenda kumuchofesha karibu. Pour rendre son royaume encore plus fort. Njoo afanye ufalme wake kuye nguvu tena. Afin de gagner sa guerre. Kusudi apate kuwina vita yake. Apate kubashinda ba Medi. Vers 550 avant Jésus-Christ. 550 mbele ya Yesu Kristo kuzarikwa. Cyrus, roi de Perse. Kiro mfalme wa Perse. Se révolta contre Asnaz. Akamtombokea Asnaz. Qui était son seigneur? Ule arikuya ena mutawala. Parce que c'est lui qui était le roi des Mèdes. Njuye njo arikuya mfalme wa Mèdes. En réalité, Cyrus, kusema kweli Kiro, dépendait du roi des Mèdes. Ye baranzo mutawala ku mfalme wa Mèdes. Mais vers 539, lakini mu 539, Cyrus encore se révolte contre le roi de Babylone. Kiro anatombokea tena mfalme wa Babiloni. Et il s'empare de tout le royaume. Na anashika ufalme wote. Vous voyez la petite corne, la corne qui s'est élevée, est devenue plus grande que l'autre. Mnaona ile pembe ili lamuka inakuya mkubwa kushindia hii nyingine. Cyrus était devenu puissant. Kiro anakuya wa uwezo. Et il a profité de sa position. Na arifaidia ile fashi arkuya. Pour unir le Mède et Perse. Njuya kunganisha ba Mède na ba Perse. Et dominer maintenant sur tout le royaume de Babylone. Na kutawala sasa yulu ya ufalme wote wa Babiloni. En 536 avant Jésus-Christ. Mu 536 mbele ya Yesu Kristo kuzarikwa. Après qu'il soit devenu roi, kisha yeye kuya mfalme, afin d'accomplir la vision, Dieu a kutimiza ono, et la prophétie d'Esaïe, na unabii ya Isaya, il ordonne maintenant la reconstruction du temple de Jérusalem. Akamuru sasa bapate kujengulula hekalu ya Yerusalema. Lorsque Cyrus devient maître, il devient roi. Wakati Kiro, dans le royaume de Babylone. Wakati Kiro anakuya mfalme na mkubwa mfalme wa Babiloni. Il découvre que dans ce royaume, anaona kusema mu hii ufalme, il y avait des Juifs qui étaient emportés par le roi Nebuchadnezzar. Bale Nebuchadnezzar arletaka. Et c'est lui qui ordonne nani yenjo anagiza le retour kurudia. Et c'est lui qui ordonne nani yenjo anagiza la construction kujengulula du temple de Jérusalem kwa hekalu ya Yerusalema, comme nous l'avons lu ici bile tulisoma hapa dans Ezra au chapitre 1 mu Ezra sura yake ya kwanza dans son verset 2 à 3 mu mustari yake ya pili paka kutatu. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Ivi Kiro mfalme wa Perse anasema: L'Éternel, le Dieu des cieux, mwamilele Mungu wa mambingu, m'a donné tous les royaumes de la terre. Ananipatia ufalme wote wa dunia. Ufalme yote. Ma ufalme yote hapa dunia. Et m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Na arinyagiza nipate umujengea nyumba ku Yerusalema ku Yuda. Qui d'entre vous est de son peuple? Ni nani katikati yenu ni wa taifa yake? Que son Dieu soit avec lui. Mungu wake awe naye. Et qu'il monte à Jérusalem en Juda. Na ende ku Yerusalema ku Yuda. Et bâtisse la maison de l'Éternel. Na ajenge nyumba ya wa milele. Le Dieu d'Israël. Mungu wa Israeli. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Ni Mungu mwenye kuya ku Yerusalema. Regardez dans les livres de Cyrus. Mwangarie mui mupango kiro aliandika. Il n'a pas forcé tous les juifs. Ashukazishe bayuda vote. Qui étaient dans son royaume de sortir. Bale barikuya mufalme wake aseba toki. Et d'aller bâtir la maison de l'Éternel. Na vende bakajenge nyumba ya wamilele. Il a parlé à ceux qui se reconnaissaient de la race pure d'Israël qui croyaient que les dieux de Jérusalem étaient leurs dieux qu'ils partent et qu'ils aillent construire la maison de leurs dieux. C'est vrai frère, il y a de très bonnes choses ici. Mais si nous allons du côté de l'évangile, nous ne pouvons pas avancer. Bien-aimés frères et sœurs, même aujourd'hui, Atale. La parole n'a jamais changé, Dieu n'a jamais changé. Neno, aya badirikaka na Mungu ashia badirikaka. Dieu fait appel. Mungu eko naita. Aux hommes qui se reconnaissent enfants de Dieu. Bantu bale banejitambua kusema boni batoto ya Mungu. Même s'ils sont encore dans le péché. Ata kama bakingariki munzambi. Mais Dieu les a prédestinés avant la fondation du monde. Lakini Mungu alibatayarisha kabla ya misingi ya dunia. Dieu les connaissait avant la fondation du monde. Mungu alibajua kabla ya misingi ya dunia. Qu'ils sont ses enfants. Ya kusema ni batoto yake. Avec lesquels il peut accomplir ses plans. Bale atatimiza nabo mapu yake. C'est vrai. Ni bia kweri. C'est celui qui se reconnaît. Ni ule anejitambua. Si c'est Dieu. Sema ni mwana wa Mungu au binti wa Mungu. Qui s'approprie le message du vin. Ule anabeba ujumbe aseni yake ya Mungu. Pour accomplir la volonté de Dieu. Je vais kutimiza mapenzi ya Mungu. L'église est avec moi. Eti kanisa iko nafuata. Et pourtant il y avait beaucoup de juifs. Japo kulikuwa bayuda ba mingi. Il y a beaucoup de croyants. Kuba minifu ba mingi. Mais Dieu demande aux élus. Lakini Mungu anaomba kubateule. C'est avec eux qu'il va accomplir ses plans. Ninabo atatimiza mapu yake. C'est vrai. Nibia kweri. Avec cette prophétie, avec cet édit du roi. Nai mupango ya mufalme Kiro. C'est le commencement. Ni mwanzo. De l'accomplissement. De la prophétie de Jérémie. Ya utimilifu ya unabii wa Yeremia. Pour les 70 années de la captivité. Juu ya ile miaka 70 ya mufungwa. Maintenant Dieu commence à traiter avec les captifs pour leur retour. Mungu ananza kutumika na bafungwa njuu ya kurudia kwao. C'était à la fin. Juu ilikuwa ni kumwisho. De la captivité. Ya butumwa. De 70 années. Ya miaka 70. Que le prophète Jérémie avait annoncé. Il est Nabi Jérémie Artangazaka. Et comme nous l'avons montré hier, na pakavinezirione shajana, Cyrus lui-même, Kiro ye mwenyewe, participa à cette restauration du temple. Akashiriki kuikurudishwa kwa hekalu. C'est ce que nous pouvons lire dans Ezra au chapitre 1. Ndio ile tunaweza kusoma mkitabu cha Ezra sura yake ya kwanza. À partir du verset 9. Mstari yake ya 9. Vous pouvez même commencer au verset 7. Unaweza kuanzia hata ku 7. Jusqu'au verset 11. Mpaka ku 11. Ici vous verrez comment le roi Cyrus. Hapa mtaona namna kani mfalme Kiro. La Bible dit. Biblia inasema. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem. Mfalme Kiro akarudisha vyombo vya munyumba ya wamilele vile Nebuchadnezzar alichukua ku Yerusalemu. Et placé dans la maison de son Dieu. Na kuweka munyumba ya Mungu wake. Roi de Perse. Kiro mfalme wa Babeli. Les sortir par Metridat. Akabitosha kupitia Metridat. Le trésorier. Ule mchungazina. Il est remis à Zorobabel, ule, prince de Juda. Arienda kumupa vyo Zorobabel mu sultani wa ku Juda. Qu'on appelle Ule Banaita Shesbazar. Vous voyez. Mnaona. Mais regardez. Lakini mwangari. Lorsque le roi Cyrus wakati mfalme Kiro ordonne aux Juifs de retourner à Jérusalem. Anaagiza bayuda barudie ku Yerusalem. La plupart des Juifs étaient dispersés. Ba mingi katikati ya bayuda walikuwa washozambazwa. Dans d'autres régions. Mu majimbo ingine. Où ils vivaient en exil. Mule baranza kuishi sa mubugeni. Parce que tous. Juu bote. N'étaient pas à Babylone. Abakukuye mu Babyloni. Beaucoup. Ba mingi. Était à Babylone. Barkuya ku Babylone. Les autres aussi. Bengine nabo. Étaient éparpillés. Barkuya benye kusambazwa. Dans d'autres régions. Mumajimbo ingine. Vous voyez. Munaona. Du côté de Midi. Ku Midi. Chez les Iraniens. Kuba Iraniens. Donc dans cette région là. Mwile majimbo ile. Du côté de l'Égypte. Ngambo ya Misri. Il y a eu d'autres qui sont restés à Juda. Bengine bari bakia ku Juda. Donc ils étaient un peu éparpillés partout. Sema barkuya fashe ya mingi. Mais regardez le comportement de ces exilés. Lakini mwangarie kutenda kwa bantu walikuwa majimbo ya kigeni. Après avoir entendu l'ordre du roi Cyrus. Kisha bo kushikia agizo ya mfalme Kiro. Ils ont préféré baripenda rester en captivité kubakia mubutumwa plutôt qu'aller affronter kuliko kwenda les souffrances d'un retour kuliko kwenda kuteswa mupile batarudia dans les villes détruites mumamiji ile baripomona et dans les maisons détruites na mumanyumba ile ipomolewa. C'est vrai. Bien kweli. Il y avait parmi les Juifs kulikuwa katikati ya Bayuda qui étaient exilés dans d'autres régions. Bale barkuya mu majimbo ya kigeni. Après 70 années, kisha miaka makumi saba, ils avaient déjà stabilisé leur vie sociale. Tu vois très bien. Oh, maisha yabo ilikuwa yaisha kwa mzuri. Là en captivité pendant 70 ans. Ule kubutumwa katiri ya miaka makumi saba. Les autres. Bengine. Étaient devenus. Bo barikuya. Des boss. Bantu wa makuta. Ils ne se sentaient plus esclaves. Bo bakwanza kushikia seni batumwa. Leur vie sociale était meilleure. Maisha yabo hii ya kuishi ilikuwa mzuri. Ils ne trouvaient plus d'intérêt. Aba kwanza tena kuona faida. De retourner dans leur pays natal. Yabo kurudia mwinchi yabo ya kizarikio. Où les maisons étaient détruites. Mule manyumba yabo baripomona. Et toute la ville était détruite. Na muji wote ilikuwa yenye kuharibiwa. Qui les retourne sur un terrain. Barudie fwashi ile basha kupomona vyote. Où ils vont tout recommencer. Mule batanzulula kumwanzo. Frère. Nduku. Ma soeur, dada yangu, ça c'est un grand problème. Hii ni mambo mkubwa. Dans tous les mouvements de population. Muma namna yote ya kutenda ya bantu. Si vous regardez. Kama mnaangalia. Quand un peuple qui se dit étranger. Wakati taifa nijita kusema ni ya kigeni. Il immigre quelque part. Inama inenda fashi fulani. Souvent ces émigrés, mara mingi aba bantu bariama, ils se stabilisent facilement banekala, par rapport aux autochtones. Banekalaka banekala mule banakwana maisha mzuri kupita bale barikuta mule. Mais quand quelqu'un maintenant a une vie stable, sasa kama mtu anakuwa na maisha mzuri namna ya kuishi, sa vie sociale namna yake ya kuishi est stable, inakuwa ya mzuri, il gagne sa vie aisément, eko na pata mapato yake mzuri, il oublie facilement, eko na sabwa kwa wepesi, la pensée de retourner dans son pays natal, wazo ya kurudia mwinchi yake ya kizalio, il ne trouve plus d'intérêt ya shoneye mtena kurudia dans son pays natal mwinchi yake ya kizalio. Parce que maintenant juu sasa il tient, anakuya sasa, il tient, anashika, il tient bon, anakuwa na mshimamo mzuri mwinchi ya kigeni, il est en paix, eko msalama, et oublie, na anasabu, il oublie son pays natal, anasabu na inye inchi ili alizarikia. C'est vrai frère, nibia kweri nduku, et c'était ils étaient stables. Barikuya na namna mzuri ya kuishi. Et ils ne voulaient pas aller affronter. Na abakupende kwenda kombania ile magumu dans leur pays natal. Muinchi yabo ya kizarikio. Quand vous déménagez, juu wakati unama, vous recommencez votre vie à zéro. Nikusema maisha yako ni yanzululamu. Vous êtes à Kambo. Uku kukambo. Vous avez un champ. Uku na mashamba. Vous avez une maison. Uku na nyumba. Vous connaissez où entrer, où sortir. Unajua kwa kuingililia na kwa kutokea. Pour avoir un peu l'argent. Juu ya kupata ako makuta. Quand vous quittez Kambo. Wakati unatoka mkambo. Vous allez s'installer à Ditu. Unaenda ku Ditu. Vous devenez un nouveau à Ditu. Unakuya wa mgeni ku Ditu. Ditu c'est ton pays. C'est ta terre natale. Ata kama ditu njokule orizariki mwisi ya kwa jizariki. Kwa wakati nafika kule, vous devez fournir un effort, unapasha kufanya pour mdugu, vous adapter des réalités de ditu juu pate que tu ne connais plus. Kuhile mambo ya ditu ya ujuwake terre natale. Ata vile njo kujimbo yako ya kizariki. Et vous devez fournir un effort, na unapasha kufanya mdugu, pour vous stabiliser comme tu étais à Kambo. Juu pate kwa na mshimamo mzuri vile ulikuwa kukambo. Et c'est une chose difficile. Na ni kintu ya nguvu. Parce que l'argent qui accompagné de Kambo jusqu'à Ditu peut se perdre inezi kupotea. Et par crainte na kwa oga de la souffrance ya mateso, je donne cet exemple pour que vous compreniez. L'église est avec moi. Je donne cet exemple pour que vous compreniez ce qui s'est passé avec ces juifs qui étaient exilés dans d'autres provinces, qui n'ont pas voulu obtempérer à l'ordre du roi Cyrus. Parce qu'ils devaient maintenant construire les nouvelles maisons et construire leurs activités. Tena makazi yabo. C'est vrai frère. Ya kweri nduku. Ils ont préféré bo baripenda rester kubakia. Et même spirituellement. Adamu kiro. Quelqu'un muntu qui est bien installé dans une dénomination. Ule anesha kuikala muzuri muzevu. Il a un titre. Eko na cheo. Il mange bien. Eko na kuria muzuri. Il s'habille bien. Et qu'on a voilà un jour. Il est bien logé par sa dénomination. Sa femme ne souffre de rien. Ses enfants étudient aisément. Demandez à cet homme de quitter la dénomination pour croire le message. Frère, il ne le fera pas à condition qu'il soit un élu. Il préfère rester dans sa dénomination par intérêt des choses matérielles. Vous voyez frère, vous voyez mes soeurs, mes frères, c'est ce que vous voyez souvent. Les chefs dénominationnels ont trop de difficultés pour croire. Voyez bien mes frères. Naona ndugu mpendwa. Là il était prédicateur. Kule alikuwa mhubiri. Là il était ancien. Kule alikuwa mzee. Là il était un évêque. Kule alikuwa askofu. Vous lui demandez de venir dans le message. Naomba akuye mhubiri. Qu'il se mette dans les bancs. Eh kale na ye mhubiri. On commence à lui enseigner. Nanze kumfundisha. Ndugu. Les hommes charnels ne peuvent pas accepter cela. Abawezi kuichika ile. Na kama nakuya sans conviction bila kikisho, il créera des problèmes. Ataanza mamambo. Il va créer la division. Ataleta kukavulana. Il va créer des troubles. Ataleta mvuruko. C'est vrai frère. Ya kweli ndugu. Pourquoi? Parce qu'il voudra atapenda récupérer abebe la position qu'il avait. Atapenda kuwe na cheo ile alikuwa nayo mzevu. L'église est avec moi. Eti kanisa iko nafuata. C'est pourquoi ici. Jo kwa maana hapa. C'est captif. Aba bafungwa. C'est exilé. Aba barikuwa mwinchi ya kigeni. Ont des problèmes pour retourner. Baripata magumu njoo ya kurudia. C'est vrai frère. Bia kweli nduku. Et pourquoi il ne voulait pas aussi partir? Dieu a nini abakupende kwenda. Pourquoi ces exilés ici dont nous parlons? Dieu a nini abavageni ba benyekwa mwinchi ya kigeni. Il voulait pas affronter les difficultés. Abakupende kwenda kuteseka. De retour. Les difficultés, la souffrance d'un retour dans des villes dévastées. Mateso ile ya kurudia mwinchi maisha ya kupomolewa. Bien que l'empire de Perse. Japokuwa ufalme wa Perse. Les avait libérés par Cyrus. Iri batoshaka kupitia Kiro. Mais l'empire. Lakini ufalme. N'offrait pas encore. Aikukuye. Des garanties aux exilés. Na makikisho njuu ya ba le ba geni. Non bien aimé frère. Hapana nduku. Non bien aimé sœur. Hapana dada. Bien que Cyrus. Japokuwa Kiro. Et donner l'ordre aux Juifs de rentrer. Arileta agizo kubayuda barudi. L'empire n'avait pas offert. Ufalme akukuye. Les garanties na, aux exilés. Na, la sécurité aux exilés. Na ukingo njia. Le bien-être bayuda, aux exilés. La paix aux exilés. Namna mzuri ya kuishi na salama kubayuda. Ces exilés se disaient. Aba bayuda baranza usema. Nous pouvons rentrer dans notre pays. Tunaweza kurudia mwinchi yetu. Nous ne serons pas attaqués par d'autres nations. Et mataifa ingine haitakuwa kuitugombanisha. Nous allons subir le même sort. Si tutapata tena mambo moya moya. Que celui de Nebuchadnezzar. Ile tulipata na Nebuchadnezzar. Oui bien aimé frère. Ndio ndugu mpendwa. Oui bien aimé sœur. Ndio dada mpendwa. Parce que vous remarquerez. Je mtaona. Quand vous lisez la Bible. Wakati mnasoma Biblia. Lorsque nous lisons la Bible. Wakati tunasoma Biblia. Dans le livre d'Esther. Mukitabu cha Esther. Au chapitre 3 et chapitre 4. Sura yake ya 3 na sura l'intervention de la reine Esther. Ile usaidizi ya Esther. Évitant les massacres des Juifs. Ikaepusha kuuawa kwa Wayuda. Ni hakikisho. Du danger qui menaçait les Juifs. Ya ile hatari ilikuwa mbele ya Wayuda. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mungu nafuata. On pouvait leur donner un peu raison. Bari pashu bapatia kwa sheria za bantu. Parce qu'il n'avait pas de garantie. Juu abakuwe na ukingo. Et cela nous le voyons dans les livres d'Esther. Na hii tunaiona mkitabu cha Esther. Au temps d'Esther. Wakati ya Esther. Du roi Assyrius. Wakati ya mfalme Assyria. Il avait des ennemis. Kuruku yaga baadui. Qui voulait massacrer les Juifs. Bale walipenda kuua Bayuda. Vous voyez. Naona. Mardoché. Mordecai. Et les Juifs qui étaient là. Na Bayuda bale walikuya pale. Barienda. Frappé à la porte de la reine Esther. Kwenda kuonkola kumulango ya malikia Esther. Vous voyez. Naona. Ils avaient déclaré Barilombaka des journées de jeûne Barilombaka bafunge chakula pour que les Juifs ne soient pas massacrés. Bayuda bashuwawe. Vous voyez qu'ils étaient en danger. Naona barikuwa muhatari. Vous voyez bien mes frères. Naona nduku mpendwa na dada. Il y avait des dangers kurukuya hatari qui menaçaient toujours ile ilikuya mbele les Juifs. Yabayuda. C'est vrai, frère. Biakweri nduku. En tant que véritable chrétien, ça, mukristo biakweri. Vous devez le savoir. Unapasha kuijua. Aussi longtemps que nous serons sur cette terre, nous n'aurons jamais de paix. Atuta kuyaga na salama. Nous serons toujours menacés par les ennemis de Dieu. Ila mara badui ya Mungu watakuwa kukumbanisha na badui yetu. Mais notre espoir, lakini tumaini yetu, est fondé sur Christ. Ye kujengwa yulu ya Kristo. C'est vrai, frère. Bia kweri nduku. C'est vrai, ma sœur. Bia kweri dada. Et c'est l'intervention de la reine. Ni musada ya malikia Esa. Qui avait épargné les Juifs de ce massacre. Ile riepusha bayuda bashiba uwe. Maintenant, ils sont rentrés. Sasa banarudia. Entre le mois de février kadiri ya mwezi ya pili et de mai na ya en l'an 537 na ya ine mwaka ya 537 qui montre plus ou moins le départ de Babylone. Ile kunaonesha kutoka kwa Bayuda Babylone. Comme nous vous l'avons dit hier, parle tulimionesha jana. Arrivé à Jérusalem, ils élevèrent premièrement l'autel. Et quelques mois plus tard, ils posaient la première pierre du temple. Mais les travaux s'arrêtaient. Suivez très bien. Ils sont rentrés sous l'ordre de Cyrus. Chini ya Jesu ya Kiro. Arrivé dans le pays natal, ufika mwinchi yabo ya kizarikio. Ils élevèrent l'autel d'adoration. Bakajenga mazabau njuu ya kuabudu. Après avoir élevé l'autel d'adoration, kisha bo kujenga mazabau njuu ya kuabudu. Quelques mois plus tard, miezi kidogo inapita, ils posèrent la première pierre. Bakatia ribo ya kwanza. Après avoir posé la première pierre, ça n'a pas fait longtemps. Il y a eu des ennemis qui se sont encore levés. Nous allons encore en parler. Parce que je vais prendre un temps pour parler de ces trois livres. De ces quatre livres. Ah, et les travaux se sont arrêtés. Pourquoi les travaux de la reconstruction du temple se sont arrêtés? Jua nini makazi ya kujengulula hekalu ilishimama? Quelles sont les causes? Ni masababu ni nini? Qui a fait que les travaux s'arrêtent? Ile rifanya makazi isimame. Il y a eu presque trois causes. Kurukuya ni masababu tatu. Premièrement, kwanza c'est une réaction négative ni kutenda kwa kukombanisha de la population restée en place ya bantu bale barikuya bari bachia mwile inchi qui ne voulait pas bale bakupende que les nouveaux arrivants bale barikuya sasa reprennent leur terre babebe inchi yabo leur terre mabulongo yabo mashamba yao et leur maison na manyumba yabo. L'église est avec moi. Et si kanisa iko nafuata. Quand Nebuchadnezzar, wakati Nebuchadnezzar avait détruit la ville, ariaribwaka muji et le temple na ekalu et avait amené les captifs à Babylone, na aripeleka bafungwa ku Babylone, tous les Juifs n'étaient pas partis à Babylone. Bayuda bote abakwendake ku Babylone. Il y a quelques Juifs qui étaient restés à Jérusalem. Kuko Bayuda kidogo bari bakia mu Yudea ku Yerusalem. Si vous avez lu le livre de Jérémie, Jérémie disait ceci. Jérémie a rendu ce maïvi. Vous n'avez que deux possibilités. Aze muku tunama bati mbiri. Si vous voulez épargner votre vie, kama mnapenda kuchunga bushima yenu. La première possibilité, namna ya kwanza, c'est d'aller avec le roi Nebuchadnezzar en exil. Kwenda na mfalme Nebuchadnezzar mwinchi ya kigeni. Mais si vous restez, lakini kama mnabakia, vous serez aussi détruits, mutauawa, kupitia la famine, ma magonjwa manjala. Vous souvenez de ça? Et tu mnakumbuka ile? Voyez. Donc tout Juda n'était pas resté vide. Haikubakie bila mutu. Il y a quelques gens qui avaient un petit peu de cœur qui sont restés. Quand ces gens sont restés, wakati abantu bari bakia, ils ont occupé les terres de leurs frères, bari bewa mabulongo ya bantu yabo, quelques maisons de leurs frères. Maintenant, quand la captivité prend fin, wakati butumwa burisha, et qu'il y a eu des exilés qui rentrent, ceux qui occupaient les terres de leurs frères, n'étaient pas contents du retour des exilés. Parce qu'ils ne voulaient pas perdre les avantages. C'est très simple. Toi, mon frère ou ma soeur, aujourd'hui tu vis à Kambovu, chez vous à Kabongo, il y a des palmiers, il y a des champs, il y a des rivières, on prenait les poissons. Kule banalopolaka. Ces rivières et ces terres-là sont déjà occupées par vos cousins, les enfants de vos oncles, qui pêchent dans les parties qui vous étaient conservées. Si aujourd'hui vous quittez Kambo, kama leo tu mnatoka mkambo, ja kwenda ku Kabongo kwisha. Unapasha kwenda kulomba mashamba ya urithi ya baba yako, utafuta ko fashi. Mule utalopola ubambe ko samaki. Na fashi ya we kurima. Lakini bale beko na ile mashamba leo. Wakati unarudi. Ivon kitive u. Bo batarima wapi? Vous voyez? Non. Donc, il vit de cette terre-là. Vous voyez? Il monte au palmier pour. Pour faire de l'huile de palme. Njua kufama futa kingonja. Kama wewe unarudi. Les ressources sera coupées. Vous sema utabanyanganya fashi ya mapato yabo. Vous comprenez ça? Naelewa ile. C'est ainsi pour les frères qui sont rentrés. Entretenir les milliers de Kambo. Vivez là aisément en attendant le retour du Seigneur. Wishi mukambofu mule Mungu alikuweka na uchunge kurudi kwa Bwana. Naona ndugu mpendwa. Naona dada mpendwa. Ile magumu ile. Jo ile baraza déjà bien stable. Jo ile baraza kuongopa. Dans les provinces, ils étaient exilés. Ils ne voulaient pas affronter ces difficultés. Vous voyez bien le même. C'est vrai. Si tu retournes chez vous à Kabeya Kamwanga, ton père avait quitté de là, kuna kuya miaka makumi saba, 50 ans. Toi-même, tu y es parti de là à l'âge de 10 ans. C'est ton père qui te dit chez nous, il y a des chefs, coutumiers, il y a ceci. Ne pense pas que les terres de tes ancêtres sont libres. Il y a les gens qui vivent. Il y a les gens qui font travailler cela. Si tu rentres là-bas, tu ne seras pas bien accueilli. C'est pourquoi les gens sont retrouvés maintenant à Shokore. Parce que vous devez vous réinstaller. Njuna pasha tena upate kujipanga pale. C'est l'une des premières causes. Ni mumoja ya masababu. Il a fait échouer. Ile rishindwisha. Et qui a amené. Na ilileta. Que cette construction s'arrête. Ilifanya hii majengo ipate kushimama. Deuxième cause. Sababu ya pili. Il y a eu une lutte. Kulikuwa makokotano. Entre le pouvoir civil. Katikati ya u. Et l'autorité. Katikati ya mamlaka ya kidini na ya ba civil avec les anciens exilés na bale barendaka nzamani mu incha kigeni le pouvoir civil ile mamlaka ya ba civil na ya kidini diviser les anciens exilés iranza kukabula bale barendaka mu incha kigeni ceux qui retournaient bale baranza urudia ils retournaient avec une pensée spirituelle bari rudia na watu wa kiro le nouveau venant, il voyait le nouveau venant comme les gens qui arrivaient pour les dépouiller, les dominer. C'est exactement ce qui a eu. Tous les Kasaïens natifs du Katanga, quand ils sont rentrés au Kasaï, on les appelle pas Kasaïens, on les appelle Benakatanga. Pour dire que même la terre natale ne les reconnaît plus. Munaona ndiko mpeni. Les chefs qui étaient là, bale ba chefu barikuya kuna. Peut-être ils ne sont pas de la lignée directe royale. Sasa nyina abana ba muki sasa ya ufalme. Ils ont occupé ces fonctions. Lakini il n'y avait pas quelqu'un pour l'occuper. Bali beba le chefu njoo akukukuye mtu njoo akuje. Qui a l'autorité? Sasa kama ule mwenye kuna mamlaka. Ule kuna mamlaka anafika. Vous voyez il y a de la tristesse dans le cœur. Naona kuna kuya kuzunika mumoyo. Oui, bien aimé frère. Et la troisième raison, sababu ya tatu, il y a eu de fausses accusations des ennemis Yaba comme j'y reviendrai, qui a accusé faussement les juifs comme un peuple rebelle qui rentrait dans le pays natal, qui reconstruisait les temples de Dieu et la ville de Jérusalem pour se révolter après contre le roi de Babylone. Mufalme wa Babylone. Vous voyez, mnaona. Et les travaux s'arrêtaient. Na makazi kasimama. C'est une marche. Ni la marche d'Israël dans la chair. Safari ya Israel mumwili ni mufano de la marche spirituelle de l'épouse. Ya safari ya kiro ya bibi harusi. L'épouse bibi harusi. Mais sans difficulté. Aina si ashina na magumu. Elle doit affronter les difficultés. Anapasha ye kukombarisha magumu njoo ashinde. Arrivé vers les 500, l'an 521. Kufika mu miaka ya 521. Maintenant c'est le roi Darius qui monte. Asa ni mufalme Darius sur le trône. Anabeba mulaka. Il trouve déjà les travaux arrêtés. Anakuta makazi inesha kushimama. Et quand il arrive, na wakati anafika, c'est lui maintenant ni yeye sasa qui confirme le décret de Cyrus comme nous allons le lire. Anahakikisha ile mpango ya Kiro paka vile tutaisoma. Dans Ezra au chapitre 6. Mu Ezra sura yake ya 6. Ezra au chapitre 6. Ezra sura yake ya 6. Si je lisais ça, je ne veux pas avancer. Kama mimi nasoma hii mistari. Allez lire cela, j'y reviendrai. Mwende mkaisome mimi nitarudiria hapo. Donc, lorsque Darius monte sur le trône, wakati Darius anapanda pa kiti cha ufalme, on a envoyé quelques messagers. Barituma ko bajumbe pour voir ce que les autres faisaient, les juifs, les exilés faisaient à Jérusalem. Et quand le roi Darius va dans la bibliothèque, na wakati mufalme Darius anenda mu bibliothèque, pour voir ce que les anciens rois avaient dit sur la reconstruction du temple de Jérusalem. Effectivement, sur Russe, nous allons lire cela il trouve dans les écrits du roi Cyrus les décrets qu'il avait autorisé aux Juifs de retourner dans le pays natal pour construire le temple. Vous lirez cela dans Esdras 6, verset 1 à 12, avec Darius, na Darius et la confirmation du décret de Cyrus, na kuhakikishwa kwa mupango ya les travaux du temple recommencèrent. Makazi ya ikalu ikanzulula. Et pendant que les travaux ont recommencé, na wakati makazi rianza tena, Dieu avait suscité aussi Mungu alina mutaka le ministère du prophète Agé et du prophète Esaïe qui produisit le réveil parmi les gens. Ma utumishi ya Nabi Agai na Nabi Isaya ile leta wamsho katikati ya bantu. C'est vrai. Ndio kweli. Les hommes de Dieu amènent un réveil. Ba utumishi ya Mungu banaletaka wamsho. Si ils sont écoutés par la population. Kama tu bantu banabashikia. Quand Dieu suscite son serviteur, wakati Mungu analamusha mtumishi wake, Dieu a une mission, Mungu eko na kazi, à accomplir avec son serviteur, ya kutimiza na mtumishi wake, sur son peuple, yulu ya taifa yake. Si le peuple est attentif, kama taifa iko na teka au message qu'apporte l'homme de Dieu, ujumbe ile mtumishi wa Mungu analeta, wamsho viendra, itakuya, le réveil wamsho se produira, itatoweka. Pendant la reconstruction maintenant du temple, wakati ya majengo sasa ya hekalu, avec la présence du prophète Agé et Zacharie, Nabi Agé na Zacharie, un réveil wamsho parmi le peuple katikati ya d'Israël. Taifa ya Israeli. Ils se sont beaucoup réjouis. Barifurahi sana. Parce que l'hôtel était là. Njuma sabao ilikuwa pale. Ils pouvaient communier avec Dieu. Bariweza kushiriki na Mungu. Et le temple était construit. Na hekalu ilijengululwa. Ils avaient des prophètes. Barikuwa na banabi. Agé et Zacharie. Agé na Zakaria. Il le fallait de la part du Seigneur. Bale baranza basungumuzia ku upande wa Bwana. Et le réveil était parmi le peuple. Na wamsho ilikuwa katikati ya taifa. Mais ce réveil. Lakini wamsho. Malgré ce réveil. Ijapokuwa il y avait toujours des difficultés. Pourquoi pas magumu parmi les exilés. Katikati ya bale batokea mwisho ya kigeni, njoo ya nini? Pourquoi y avait des difficultés? Ya nini kurukuya magumu? Malgré la présence des hommes de Dieu. Japokuwa wapo ya malgré le réveil, japokuwa wapo ya ministère de ces hommes de Dieu. Ilamka katikati ya taifa ya Mungu kupitia mawazo. Pourquoi y avait des difficultés? Njoo ya nini kurukuya magumu? Premièrement, kwanza c'est parce que certains juifs Juba moja ya Bayuda qui sont partis de Babylone, bale baritoka ku Babylone, au lieu d'amener leurs femmes bali ya kuleta ba bibi yabo dans le pays natal, muinchi ya kizarikio, ils ont préféré baripenda laisser d'abord leurs femmes kuacha ba bibi yabo ku Babylone, aller d'abord et même à Jérusalem, en Judée, stabiliser leur vie, et ensuite, ramener leurs femmes, quelle erreur, quand je méditais ça, je lisais ça, c'est ce qu'a commis même beaucoup de frères, et beaucoup d'hommes, il y a eu des hommes, kurikuya bantu, même au temps ici de la guerre donc des troubles Katangé Kasayen, atamu wakati ya ma trouble ya Bakatangé na Bakasayen, les autres ont envoyé d'abord leurs femmes au Kasai, bengine mbe baritangulisha ba bibi yabo ku Kasai, ils sont restés au Katanga, bo bana bakia ku Katanga, les autres ont laissé les femmes au Katanga, bengine banacha ba bibi yabo ku Katanga, ils sont allés au Kasai, banenda ku Kasai, et quand ils sont allés au Kasai, wakati banenda au Kasai, ils ils ont épousé des femmes là-bas, tout en ignorant les femmes du Katanga. Vous voyez? Ceux qui avaient envoyé les femmes au Kasai, ils n'ont pas pu maintenant rejoindre leurs femmes. Ils ont épousé des femmes au Katanga. Et cette histoire, je disais, donc l'histoire c'est, la vie elle est la même. Mais, ces exilés qui sont allés, Bale ba kutokia mwincha kigeni. Natal. En Juda. Bale bari. Tout en abandonnant leur femme à Babylone. Bale bari rudia Babylone. Kufika ku Babylone. Ils n'ont pas su ramener leur femme. Abakuwezi tena kuya na ba. Ils épousèrent les femmes étrangères. Ils épousèrent les femmes païennes. Bakaoa babibi ya. Et nous, ils épousaient les femmes païennes, l'idolâtrie, voyez, et c'est infiltré encore parmi tena, les exilés qui sont retournés dans le pays. Bafungwa barirudia mwinchi. L'idolâtrie, c'est encore de nouveau. Kwa butu kwa sanamu tena, infiltré dans la vie du peuple Israël. Kurijingiza umaisha ya batoto wa Israeli. C'était très compliqué. Ilikuwa ni mambo ya nguvu. Le réveil a eu des difficultés. Wamsho ilipata magumu. On ne peut pas avoir un véritable réveil. Hatuwezi kuya na wamsho ya byakweli. Il y a des hommes et des femmes. Kama kuku banaume na banamuti. Ils vivent dans des compromissions. Bale beko naishi mkupatana mu bintu vibaya. Ils vivent dans le péché. Bale beko naishi mu nzambi. Ils vivent dans la désobéissance. Bale beko naishi mukutokuti. Le réveil parmi le peuple. Wamsho katikati ya taifa. Amen. La sanctification. Ikuna leta utakaso. Amen. Ikuna leta. Amen. Amen la sanctification. Ikuna leta utakaso. Et l'obéissance à Dieu. Na utiifu kwa Mungu. Mais quand le peuple. Lakini wakati. Par qui le réveil doit commencer. Ile. Ou doit continuer. Wamsho inapashi kuanzishwa na hapo na kuendelea. Inasikilizana mubibaya. Retombe dans le péché. Inaanguka muzanzi. Dans la désobéissance. Inaenda mkutokuti. Mais le réveil est en difficulté. Niusema wamsho inapata magumu. Oui bien de mes frères et sœurs. Ndiyo nduku mpendwa na dada. Voilà comment les choses se sont passées. Mwangarie vile bintu birifanika. Voilà les difficultés. Joenye magumu. Voyez. Naona. Les difficultés. Magumu. Car rencontrer le réveil. Après la reconstruction du temple. Kwa oui bien de mes frères et sœurs. Leur cœur ne s'était pas éloigné. Mioyo yabo haikwende mbali. De l'idolâtrie. Na kuabudu kwa sanamu. Oui frère. Ndio nduku. Oui ma sœur. Ndio dada. Je vous dis un conseil frère. Mine mipachia shauri nduku. Si tu es marié. Kama weye ushakoa. Tu es marié pour toujours. Unesha koa muma juu ya maisha yako yote. Vous êtes obligé. Unapashwa de vivre avec ta femme. Kuishi na bibi yako. Partout où tu voudras habiter. Kwashi yote utapenda kupangia. Dans les difficultés. Mumagumu. Dans la souffrance. Mumateso. Comme dans la joie. Na mufura. C'est réellement faux. Ni mubaya sana. À un homme. Wa mwanaume. De retourner d'abord sa femme. Arudishe mbele bibi yake. Dans sa famille. Mujama yake. Parental. Muba kubazazi yake. En attendant que le moment de difficulté passe. Mukuchunga se mbele magumu ishe. Non bien mes frères. Apana ndugu mpendi. Kama magumu inakukuta. Si vous avez des difficultés. En tant que marié. Pitishi ya magumu yote ile. Basi te difficulté. Kumpembeni ya bibi yako. A côté de ta femme. Kumpembeni ya bwana yako. A côté de ton mari. Vous êtes mariés Muriowana, pour les pires, comme pour les meilleurs. Na vizuri. Utacha, j'ai vu. Miriona. J'ai vu pas quelqu'un, un frère. Miriona nduku, hapana mtu wa mdunia. Quand il y avait le mouvement ici, wakati kurukuya hapa movement, des gens qui devaient retourner en Angola. Ya abantu bale bali pasha kurudia mu Angola. Ya yeah, même des frères ici qui sont retournés, ils sont partis en Angola. Kurwa bantu bale bali enda mu Angola, c'est tu narudia kwetu. Ils sont arrivés en Angola. Bati bali fika mu Angola. Je connais un frère. Mina yua ndu. Il a pris sa femme. Arrivé va lui dire. Même moi ici, je lui ai dit n'envoyez pas ta femme. Atami miri muonesha kusema usitume bibi yako. Il a envoyé sa femme. Alituma bibi yake. Arrivé en Angola. Ukiwa mu Angola. Sa femme avait rencontré beaucoup de difficultés. Bibi yake anapata magumu et mingi. Qu'est-ce qui est arrivé? Ni nini ilifika? La femme a commencé à se prostituer. Bibi anaanza kumtumba. Hapa ni kuna mariage la est brisé. Ile ndoa isha kuvunjika. La séparation a des problèmes. Kutengana kuna mamambo. Quand quelqu'un rencontre certaines difficultés, wakati mtu anakuta magumu fulani, comme l'homme ne supporte pas souvent de grandes difficultés, kama vile mtu ashivumili yake magumu mkubwa, il tombera, ataanguka. Il ne faut pas le faire. Hapana kufanya vile. Bakia kumpembeni ya bwana. Reste à côté de ton mari. Bakia kumpembeni ya bibi. Reste à côté de ta femme. Muteshe pamoja. Souffrez ensemble. Kama njala inakuya, mulale na njala pamoja. Passez nuit affamés tous ensemble. Kama njala inakuya, mugonje pamoja. Si y'a une maladie, souffrez ensemble. Si vous manquez d'argent, manquez l'argent ensemble. Combattez ensemble. Pour construire votre maison. Hapana kutuma bibi kuhama. N'envoie pas ta femme chez elle. Ne retourne pas chez vous. Vous restez. C'est pas que tout ça. Lorsque tu auras une meilleure vie, c'est un piège de l'ennemi. Il est ni mouté, voyage, tombé. Je vais parler par Angoutia. Ces exilés qui sont rentrés. Ah, bah, Fungwa, Barirudia. À Jérusalem. Jérusalem. Tout en laissant leur femme. Mukwacha, Babibia. À Babylone. Ku Babylone. Que Dieu vous bénisse. Mungwe mibariki. Nous allons continuer. Tutaendelesha. Voyez, il y a de grandes leçons sur lesquelles nous pouvons rester et parler. Mnaona, pego mafundisho mkubwa ile tunaweza usemea hapo. Ce n'est pas seulement une simple histoire que nous vous racontons. Aina tu hadithi tukunemiadisia. Nous devons ramener ce qui est arrivé de l'autre côté. Tuna pasha kuleta bile birifika ngambo yengine. Dans notre vie, pour nous servir d'exemple. Mumaisha yetu njui tufundishe. C'est vrai frère. Bia kweri nduku. Levons-nous pour la prière, nous continuerons demain. Tutashimama njua maombi tutendelesha kesho. C'est une grande difficulté. Ni magumu mkubwa. Que ces hommes ont rencontré. Ils ont abandonné leurs femmes à Babylone. Arrivés maintenant dans le pays. Ils ont épousé des femmes étrangères. Et l'idolâtrie est entrée. Les rebelles qui avaient commencé. Estompés. Parce que le peuple retournait dans le pays. C'était compromis. Bari changanika na vibaya. Que Dieu nous aide. Mungu etusaidie. Est-ce que vous comprenez cela? Eti munaelewa ile? Prions. Tutaomba. Seigneur, merci.